Pier Paolo Pasolini est né à Bologne en 1922. De lui, les Français ont retenu l'œuvre cinématographique, Acatone, Théorème et surtout Salo ou Les 120 jours de Sodome, l'adaptation du texte de Sade qui propose 2h20 de spectacle insoutenable. Mais en Italie, c'est le Pasolini poète qui est célébré. Poète, mais aussi romancier, critique, engagé politique, Pasolini est extrême, excessif, scandaleux, mais jamais provocateur. La provocation, c'est toujours superficiel. Et j'espère de ne faire pas de la provocation superficielle, vous savez. J'espère de poser des problèmes, pas de faire de la provocation. Et ce sont ces problèmes que nous allons poser ensemble cette semaine. Qu'est-ce qui relève du figurable à l'écran? Sommes-nous condamnés à devenir adultes? Le réel est-il sacré? Tout est-il politique? Pasolini, jusqu'à l'extrême et jusqu'à sa mort. Hélas, notre premier invité, celui que je vais vous présenter tout de suite, n'est plus de ce monde. Il s'agit du cinéaste italien Pier Paolo Pasolini. Tout de suite après l'interview, Pier Paolo Pasolini m'avait quitté précipitamment car il avait, m'avait-il expliqué, un rendez-vous urgent à Rome. On sait depuis que ce rendez-vous était un rendez-vous avec la mort. La musique, on croirait entendre du Sidney Bechet, ça ne nous prépare pas du tout à ce que nous allons voir. C'est la musique d'ouverture du film Salo et 120 jours de Sodome, et c'est cette musique qui ouvre cette émission avec vous. Bonjour Hervé Joubert Laurencin. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Qui a tué Pasolini? Ça, c'est une question. On commence avec le plus énigmatique quand même. Oui. Après avoir entendu la voix de Philippe Bouvard, qui me glace toujours terriblement. Et qui annonce la mort de Pasolini. Ouais. Il avait enregistré une semaine avant sa mort un entretien avec Pasolini. Sa voix est toujours glaçante. Elle est toujours associée pour moi à la mort de Pasolini, mais aussi au côté glaçant de ce film Salo ou Les 120 journées de Sodome, qui est le dernier. Alors, pour répondre à la question, c'est une question pour l'instant impossible, puisque le procès a été bouclé. Le procès de l'homme qui a probablement, peut-être, ou été accusé d'avoir tué Pasolini. Le premier procès en 1960, Pasolini était assassiné sauvagement en 1975. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour considérer qu'il y avait plusieurs personnes et que son assassinat a été particulièrement bestial. On l'a tué à coups de poing et à coups de planche et en lui roulant dessus avec sa propre voiture. Et je crois qu'aujourd'hui, plus personne n'ose prétendre qu'une seule personne a pu faire ça et qu'il y avait donc plusieurs individus qui ont tué Pasolini dans une nuit au bord de la mer. Et celui qui a pris pour ce crime était un jeune garçon mineur qui aujourd'hui est mort et n'a jamais parlé, ou il a parlé pour un scoop à la télévision très très très très longtemps après, en disant qu'on avait menacé ses parents quand il était en prison pour adolescent, et qu'il avait porté le chapeau, fait quelques années de prison, puis ressorti, et qu'il n'était pas du tout l'assassin de Pasolini, mais que plusieurs personnes se trouvaient là. Mais comment expliquez-vous que le mystère n'ait jamais été élucidé? Ça fait partie des nombreux mystères qui sont attachés à cette période, puisqu'on avait commencé à enlever des magistrats, faire des rapts d'extrême gauche, d'extrême droite. Qu'on est en 75. Hein. Beaucoup d'extrême droite, oui, ça avait déjà commencé. Donc les années de plomb avaient commencé. Et Pasolini, de façon peut-être indirecte ou peut-être extrêmement directe, mais personne ne le sait pour l'instant, est complètement pris dans ce moment où il y a encore beaucoup de choses inexpliquées, même si depuis les années 90, beaucoup de choses ont émergé. Donc moi, je prends le pari quand même qu'un jour dans notre vie, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, on aura une explication complète. Pour l'instant, on n'a pas d'explication complète, donc on peut le résumer. Je sais que longtemps dans ma vie d'amoureux de l'œuvre de Pasolini, j'ai refusé d'entrer dans le détail de cette chose parce que c'est très aveuglant et ça fait prendre complètement à l'envers l'œuvre et même la personnalité de Pasolini. Et puis, à un certain moment, j'ai été en face de ça, donc j'ai écrit un article qui actualisait toutes les possibilités dans un livre sur les assassins, je crois. Et j'ai écrit sur Pino Pelosi, l'assassin présumé de Pasolini. Donc aujourd'hui, on peut supposer qu'ils se connaissaient avant, que c'était un guet-apens et qu'il y a eu une organisation. Le problème est, comme dans toutes ces affaires, le mandant. C'est-à-dire, on ne sait pas qui a décidé de l'assassinat de Pasolini et a poussé ceux qui l'ont tué, c'est-à-dire probablement des jeunes extrêmement des assassins drogués, des hommes de main. Voilà. Tout il était très connu en Italie au moment où il a été tué. Il était mondialement connu et en Italie énormément connu et aussi connu par des attaques de la presse depuis vraiment les années 1950. Hein, donc 50, parce 60, qu'il se 70. Met l'Église à dos, il se met le Parti communiste à dos, il se met l'Italie entière à dos. Ah, pas le Parti communiste. On peut pas dire que le Parti communiste l'a attaqué, mais c'est un compagnon de route inconfortable, hein, puisqu'il a été exclu du Parti communiste en 1948 pour homosexualité. Donc, tout en étant militant, tout en déclarant jusqu'à la fin de sa vie qu'il votait communiste, tout en passant aussi, en allant parler au congrès radical juste avant au Parti radical, donc plutôt d'extrême gauche, en étant très mal considéré par tous les gauchistes militants à partir des années 68 pour une forme d'incompréhension qui aujourd'hui s'est partiellement retournée, mais il y a une grande détestation personnelle et institutionnelle de Pasolini, donc on peut dire aussi que c'est un crime social. Hein. Moi je disais que c'est un crime sexuel par provocation, pas pour dire que c'est un crime sexuel comme on a essayé de le faire croire au sens où ce serait un exploiteur de jeunes garçons, qui le jeune garçon s'étant retourné contre lui. Ça, c'est la construction qui a été faite. Parce qu'il a été accusé aussi d'être touché des jeunes mineurs. La victime a été accusée, bien sûr, puisque la chose a été montée pour que le procès se retourne contre Pasolini et qu'on fasse une sorte d'exemple public, l'homme qui dérange, qui raconte les histoires de corruption avant l'heure et qui est homosexuel et qui est libre dans sa vie. Et le poète doit être assassiné et publiquement et spectaculairement, et il doit en plus en souffrir. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé et on n'en sait pas plus. Alors qu'au moment où il meurt, personne n'a encore vu son dernier film, Salo ou les 120 jours de Sodome. Personne. Qui pour le coup monte de 12 crans dans le scandale. Voilà. Alors que le film est entièrement terminé. Donc ce n'est pas un film qui a été terminé par quelqu'un d'autre, mais bien par lui jusqu'au tout dernier moment fondamental. Hein, on peut le dire parce qu'on est en France, de la post-synchronisation des voix françaises, puisque c'est d'après le Marquis de Sade, donc d'après une œuvre littéraire française, et Pasolini considérait, c'est ce qui m'a été donné comme témoignage par Jean-Claude Biette, qui était son assistant parfois sur des films, et qui avait dirigé la post-synchronisation française. Pasolini considérait que la version originale était la version française, parce que parlait français avec la langue de Sade. Parce que c'est le texte de Sade qui est adapté. Voilà, ah oui, le texte de Sade est adapté très littéralement. On peut parler de la construction du scénario. C'est le premier film dont Pasolini n'a pas écrit le scénario. C'est un paradoxe. Pasolini est un écrivain, il a toujours écrit ses scénarios, et c'est un très grand écrivain de scénarios. Mais celui-ci a été écrit par Sergio Citti, avec un autre scénariste. Et Pasolini a collaboré à ce scénario, fait pour un autre. Et puis, à force de travailler, Sergio Citti a décidé qu'il ne faisait pas le film, et que Pasolini s'est pris d'amour pour cette possibilité de film, et il a transformé pour en faire son film. Mais le scénario était déjà écrit. C'est un défi pour nous de commencer cette série sur Pasolini avec sa mort et son dernier film, qui est de loin le film le plus insoutenable. On va en parler ensemble quand même, hein, parce qu'à partir de ce film, il y a beaucoup de choses à dire, et il y a des choses qui elles-mêmes ne sont pas forcément insoutenables. Quand ça l'est, c'est ce que Pasolini disait en début d'émission, hein, c'est jamais juste de la provocation, c'est une manière de poser des questions. Et les questions que soulève ce film sont absolument passionnantes, parce que, justement, on n'a pas la réponse. Alors, on va entendre tout de suite un premier extrait qui va nous plonger dans le film. Et puis, vous nous en direz deux mots ensuite, Hervé Joubert-Laurencin, de cette... C'est pas vraiment la première scène, mais celle qui explique les choses. Vous nous donnerez les clés pour avoir envie de continuer à suivre cette personne qui prononce un discours assez étrange. Deboli creature incatenate, destinate al nostro piacere. Spero non vi siate illusi di trovare qui la ridicola libertà concessa dal mondo esterno. Ici, vous êtes hors des limites de toute légalité. Personne sur Terre ne sait que vous êtes ici. Pour le monde, vous êtes déjà mort. Écoutez le règlement qui régira maintenant votre vie. À 18h précises, toute la compagnie devra se réunir dans la salle dite des orgies, où les narratrices viendront tour à tour nous raconter une histoire sur un thème chaque fois différent. Les amis pourront interrompre à tout moment et autant de fois qu'ils le voudront ce récit, dont le but est d'exciter l'imagination. Et toute l'assiduité sera autorisée. Après dîner, ces messieurs passeront à la célébration de ce que l'on désigne par le terme orgie. Tous les participants seront vêtus selon les circonstances, couchés par terre, comme des animaux, et changeant de position, ils se mêleront, s'étreindront, s'accoupleront, incestueusement, adultèrement, sodomitiquement. Mais que font là les serviteurs? Chassez-les! Les plus petits actes religieux, les plus insignifiants auxquels quiconque se livrera, se verront punis aussitôt par la mort. Tous à l'intérieur, faites-les rentrer! Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie, et un extrait du film de Pasolini, le dernier film de Pasolini, Sodome ou les... Salaud ou les 120 jours de Sodome, en compagnie d'Hervé Joubert-Laurencin, qui est professeur en études cinématographiques à l'Université de Paris-Nanterre, cinéaste, spécialiste de l'œuvre de Miyazaki, dont vous étiez venu parler il n'y a pas si longtemps à ce micro, d'André Bazin aussi, dont vous publiez les écrits, et de l'œuvre de Pier Paolo Pasolini. Et vous me disiez avant l'émission que ce film-là, c'est un film qui vous plaît beaucoup, que vous aimez beaucoup. Comment un tel film, qui vraiment fait tout pour nous déplaire, peut-il plaire autant ? Il ne peut plaire que dans un deuxième temps. Moi, je suis comme tout spectateur, ce film n'est pas aimable. Je l'ai écrit plusieurs fois, ce n'est pas un film aimable. C'est pas un film pour être aimé directement. Et il a même dépassé tout ce qu'avait imaginé son auteur. Ça, c'est plutôt le témoignage d'une des comédiennes françaises, Hélène Surgère, qui me l'avait appris. Elle est morte aujourd'hui, mais on avait parlé plusieurs fois de ce tournage et elle avait beaucoup de choses à dire parce que les deux françaises étaient un peu choyées par Pasolini, qui ne les laissait pas toutes seules, donc il mangeait avec elle le dimanche, donc elle discutait de choses littéraires, etc. Et elle avait fait la remarque que Pasolini étant mort avant d'avoir vu le film projeté, il n'a jamais su ce qui se passait. Et elle avait fait l'hypothèse que quand même quelque chose s'était retourné contre le film et le film était devenu d'une violence extraordinaire que n'avait pas prévu Pasolini. Il a quand même filmé les scènes de ses vies sexuelles abominables, les scènes où les protagonistes mangent de la merde par terre, ont des rasoirs dans la bouche, enfin... C'est vrai. Alors donc pourquoi on peut aimer un tel film? On peut aimer un tel film. Moi, ma seule analyse, c'est qu'au bout de 2, 3 ou 4 fois qu'on le voit, alors tout change. Voilà, bah, c'est ce qui m'est arrivé, c'est l'expérience que j'ai eue. Peut-être que un autre spectateur ou un autre analyste pourrait détester toujours plus le film, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, non, tout se retourne parce que tout d'un coup, il y a un discours qui est tenu, il y a une forme qui se crée et cette forme parle. Et c'est une forme magnifique. C'est l'un des plus beaux films de Pasolini d'un point de vue plastique, par exemple, alors que les films de Pasolini sont quand même plastiquement, du point de vue du montage, ont une beauté rugueuse. Ils ont une beauté dans la trivialité, dans la grossièreté du cinéma. Et c'est ce qui est très, très beau dans le cinéma de Pasolini. Mais là, au contraire, comme ce film inverse un peu la chose, il n'est pas fait pour être aimé directement, il n'est pas fait pour être drôle. Lorsque on rit très jaune, hein, lorsqu'il y a des gags, ce sont des gags entre des bourreaux. Bon, ces personnages sont absolument détestables, hein, ce sont des scélérats, des philosophes scélérats, comme a choisi de dire Pasolini en reprenant Klossowski. Donc ces philosophes scélérats, ces quatre abominables personnes... On en a entendu un, peut-être. Voilà, on a entendu Michel Piccoli. On a entendu la voix de Michel Piccoli, très importante, comme je disais tout à l'heure, puisque les voix françaises disent le texte français et c'est la version tenue pour originale par Pasolini plus que la version italienne. On a ces quatre personnes, ces quatre hommes, qui décident de faire venir dans une espèce de manoir géant des adolescents. Et là, on a entendu le règlement, un peu comme une colonie de vacances cauchemardesque. Alors, une colonie de vacances cauchemardesque, parce que les témoignages sur le tournage sont un peu différents, parce qu'il y a des gens, probablement, ça dépend du caractère qu'on a pour retenir ce qui s'est passé sur le tournage. Enfin, la majorité des... notamment, le seul témoignage que j'ai eu direct, c'était celui d'Hélène Surgère, qui considérait qu'on traitait très très bien les enfants. C'était comme une colonie de vacances, exactement ce que vous venez de dire. Le tournage, mais pas le résultat. Je parle du tournage. Oui. C'est exactement le mot que vous avez employé. qu'avait employé Hélène Surgère. C'est-à-dire une espèce de grande colonie de vacances. Les jeunes filles étaient à part. Il y a quelqu'un pour s'en occuper. Il y avait une assistante qui s'occupait pour que tout se passe bien. Celles qui se dénudaient, c'était des modèles. Donc, elles avaient l'habitude de poser nues. C'était différent. Ceux qui ne voulaient pas, Pasolini était très gentil. On disait, ah, vous voulez pas, tant pis. Prenons quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, pas du tout l'imagination perverse qu'ont souvent les spectateurs de penser à des cinéastes de type cinéastes qui torturent évidemment pas dans des scènes violentes ou sexuelles, mais qui torturent psychologiquement leurs acteurs pour leur faire sortir leurs tripes, quelque chose. C'est pas du tout la méthode de Pasolini. Pasolini a toujours eu une méthode complètement différente, qui d'ailleurs horrifiait en général les metteurs en scène français, pensant qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ou ils mettaient plusieurs caméras. Je me rappelle de Vecchiali aussi. Paul Vecchiali avait un souvenir de ça, puisqu'il y a deux actrices d'un film de Paul Vecchiali qui passent directement, dont Hélène Surgère et Sonia Savianche, qui passent directement dans Salo, et parce que Pasolini avait vu les films de Vecchiali, était tombé amoureux de Femme, le film de Vecchiali, dans lequel elles sont, et lui était horrifié par, n'osait pas dire à Pasolini que sa manière de faire n'était pas du tout, disons, française, quoi. C'était un metteur en scène avec plusieurs caméras, enfin, en tout cas pour ce film-là, hein, c'était pas le cas pour les films précédents, c'était un très très gros budget, hein, de Salo. Voilà. Salo, disons quand même, Salo, c'est le nom d'une ville. C'est le nom d'une ville italienne et surtout d'un régime. Voilà. C'est-à-dire, c'est le régime est d'une armée nazi-fasciste. Hein. Les nazi-fascistes. D'ailleurs, on peut le résumer en deux mots en disant que pour que les Français comprennent, disons que c'est l'équivalent de Vichy. C'est ce qu'on représente derrière le mot de Vichy comme régime, Salo comme régime. Et puis la République de Salo avec les Repubblichini. Et les nazis fascistes, j'appelle ça le sommet du fascisme européen. Puisque on a les inventeurs, les fascistes italiens, plus Mussolini qui a fui et qui a été rattrapé par les parachutistes de Hitler et qui l'a mis dans une petite république fantoche dans un coin de l'Italie au moment de la montée des alliés. Et donc, ce sont les nazis alliés aux fascistes. Et de fait, l'armée s'appelle les nazis fascistes. Donc c'est un summum de ce qu'on peut imaginer de la construction fasciste européenne. Et donc, quand on voulu voir dans ce film une métaphore du régime fasciste. Alors, métaphore du régime fasciste, non, je dirais... C'est-à-dire qu'on a ces hommes qui décident de tout et qui maltraitent les habitants. Je dirais pas ça. C'est une lecture qu'on trouve. Oui, oui. Mais quand on parle de métaphore, c'est Pasolini lui-même qui a donné cette clé qu'on peut utiliser, hein, parce que Pasolini avait donné toujours des clés formidables pour analyser ses films. Je pense que quand on analyse Pasolini soi-même, c'est formidable de le suivre et c'est formidable de trouver autre chose parce que ça permet d'élargir la pensée sur le film qui n'appartient pas à son auteur. Mais... quand il parle de métaphore, il parle de métaphore de 1975, de la société non pas seulement de consommation, mais de la société de répression, de la société de fausse tolérance. Donc tout ce qu'il considérait comme horrible et qui n'a cessé quand même de se confirmer jusqu'à aujourd'hui. Le capitalisme, à mon sens. Alors le néo-capitalisme, comme disait Pasolini, c'est-à-dire pas n'importe quel capitalisme, le capitalisme qui avance et qui se propage avec beaucoup plus d'efficacité, avec une beaucoup plus grande efficacité que le régime fasciste. Ça, c'était une des thèses de Pasolini, c'est que le fascisme, en gros, avait passé un peu au-dessus de la tête des Italiens, et même s'ils ont été fascistes, quelque chose en eux a résisté. Et une fois débarrassé du fascisme, c'est comme si rien s'était passé. Et c'est pas une façon de dire qu'il n'y en a pas eu. Hein. Et finalement, le fascisme d'aujourd'hui, en Italie et ailleurs, pour Pasolini, ne serait pas, si on reprend l'analyse de Pasolini, ne serait pas du néo-fascisme. Si on dit que c'est du néo-fascisme, c'est-à-dire c'est la même chose que Mussolini refait à la sauce d'aujourd'hui, on rate tout. Parce qu'en fait, il est beaucoup plus imprégné dans la société, il est beaucoup plus profondément imprégné parce que c'est du fascisme nouveau qui est à l'intérieur d'une forme qui est une forme néo-capitaliste et qui, elle, s'est répandue avec une efficacité extraordinaire dans les façons de penser, dans les façons d'être, dans les façons de se comporter entre les individus. Fascisme, néo-capitalisme, mais d'abord Sade. Voici un autre extrait de ce film. Alors on garde le pire pour après. Hein. On va essayer de garder quelques auditeurs qui même seraient horrifiés par ce qu'ils ont entendu. Non, là, on n'a rien entendu de scandaleux. Voici un autre extrait du film avec d'abord la voix de Pasolini lui-même, puisque vous parliez des acteurs sur le tournage. C'était toujours au micro de Philippe Bouvard en 1975, juste avant sa mort. Il parle de sa relation avec les acteurs. Et puis ensuite, un autre film, Quatre hommes sont assis par terre. Ça a évoqué pour les spectateurs de l'époque une couverture assez connue. On écoute et puis on commente. Alors on sait que dans ce film, une centaine de jeunes gens et de jeunes filles sont soumis à un traitement particulièrement cruel et violent. Comment avez-vous recruté ces 100 jeunes gens et jeunes filles ? En vérité, j'ai suivi le nombre magique, les nombres magiques de Sade, le nombre 4. Et les victimes sont en tout une vingtaine, non une centaine. Pour les choisir, comme pour les autres films, j'ai rencontré des milliers de gens et j'ai choisi celles qui me semblaient être les meilleures. Ce sont des acteurs masochistes ? Si je les ai choisis, ça veut dire qu'ils le sont. Osservare come stiamo qui facendo con passione non minore dell'apatia, Guido e la Vaccari che masturbano quei due corpi che ci appartengono, mi spinge a un certo ordine di interessanti riflessioni. Ayez donc la bonté de nous en faire part, cher Duc. Nous autres fascistes sommes les seuls véritables anarchistes, une fois que nous nous sommes emparés de l'État, bien sûr. En fait, la seule véritable anarchie est celle du pouvoir. Cependant, regardez ici. La gesticulation obscène est un langage de sourd-muet, avec son code, qu'aucun d'entre nous, malgré son libre arbitre sans limite, ne peut transgresser. Il n'y a rien à faire. Notre choix n'est que structure. Nous devons subordonner notre jouissance à un geste unique. Klosowski. Hurrah ! Hurrah ! C'est venu, c'est un homme. Ah, bien, très bien. Ainsi, notre petit Sergio s'est bien comporté. Et ici, voici une femme. Et le premier couple est formé. Courage, Sergio, tu nous as prouvé que tu étais un homme. Voici ta récompense. Avancez, mais avancez! Bien. Et puisque ces messieurs se sont tous mis d'accord pour vous concéder un tel privilège, célébrons solennellement votre mariage. Qui. Dai. C'est maintenant, ami lecteur, qu'il faut disposer ton cœur et ton esprit au récit le plus impur qui ait jamais été fait depuis que le monde existe. De pareils livres ne se rencontrant ni chez les anciens, ni chez les modernes. Imagine-toi que toute jouissance honnête ou prescrite par cette bête dont tu parles sans cesse, sans la connaître, et que tu appelles « nature », que ces jouissances, dis-je, seront expressément exclues de ce recueil, et que lorsque tu les rencontreras par aventure, ce ne sera jamais qu'autant qu'elles seront accompagnées de quelques crimes ou colorées de quelque infamie. C'est évidemment Sade, dans le texte que je lis ici, Hervé Joubert-Laurencin, qui explique exactement en fait ce qui se passe dans le film. C'est-à-dire que les moments insoutenables sont toujours justifiés par une philosophie qui les sous-tend et qui est, de manière ostensible, scandaleuse, mais qui est vraiment solidement argumentée. Et c'est pourquoi, dans l'extrait qu'on a entendu, on voit ces quatre personnes qui citent du Klosowski, qu'on trouve dès le début du film. Il y a une bibliographie dès le début du film. Klosowski, Simone de Beauvoir, Philippe Solers, autant d'auteurs qui ont écrit sur Sade. Bah. Eh bien, et Barthes, dans votre livre sur ce film, Hervé Joubert-Laurencin, vous dites que finalement, ces quatre hommes que l'on voit renvoient exactement à une photo qu'on trouvait dans le journal La Quinzaine littéraire du 1er juillet 1967, avec ce titre « Où en est le structuralisme ». Et d'ailleurs, dans l'extrait qu'on a entendu, il y en a bien un qui dit « Bah oui, notre choix n'est que structure. » Notre choix n'est que structure. Vous pensez que c'est une inspiration directe ? Ouais, j'en ai fait l'hypothèse et j'ai été très très heureux de faire cette découverte un jour. À force de voir, pour analyser ce film, les quatre personnes assises en tailleur sur un tapis, tout d'un coup j'ai repensé à cette caricature de Maurice Henry qui est quand même très très savoureuse, qui est très très belle, où on voit, je l'ai décrit dans le livre... Non, c'est je décris les autres. Et mais ce qu'on voit, c'est Michel Foucault qui, enfin, ils sont assis en pagne dans une forêt tropicale qui est sans doute celle de Lévi-Strauss. Et on voit Michel Foucault très gai, qui avance la main, qui parle. On voit Jacques Lacan avec ses lunettes, qui croise les bras et qui regarde assez sévèrement Foucault. On voit Lévi-Strauss qui a l'air d'en avoir rien à faire parce qu'il est en train de lire son propre papier avec une jambe repliée sous lui. Et puis il y a Roland Barthes avec les bras en arrière et qui regarde ça là aussi avec un air un peu sévère et tous les quatre ont l'air très heureux. Voilà, donc ces quatre philosophes, je suis pas sûr que ce soit des philosophes scélérats, mais en tout cas tout part chez Pasolini, effectivement, de Klossowski. Je pense que Klossowski a une très grande importance. Alors dites-nous qui est Klossowski, ce qu'il a écrit. Alors Klossowski, son importance pour Pasolini. Est un peu un penseur défroqué. C'est un penseur qui pense la transgression, mais qui la pense avec la question religieuse. Mmh. Et il apparaît effectivement dans le film immédiatement dans cette première. Alors là, provocation, on peut le dire, mais pas du tout. Une provocation pas ras de terre, mais une provocation totalement intellectualisée qui est proposer une bibliographie qui s'appelle Bibliographie Essentielle, et Bibliographie Essentielle, comme dans un livre très très sérieux, mais au début d'un film. Ce qui est quand même une forme de ce que Serge Danet appelait du terrorisme. Hein. Terrorisme avec un TH, le terrorisé. Hein. Il disait ça de certains films de Godard. Terrorisme de la théorie. Voilà, des théoriciens terroristes. Il parlait de certains films de Godard, mais là, c'est exactement du terrorisme avec un H, mettre une bibliographie à quelqu'un qui vient voir un film, et au début du film on lui dit, alors attention, il faut avoir lu Sade Fourier Loyola de Roland Barthes aux éditions du Seuil, Maurice Blanchot L'Autré à Mont et Sade aux éditions de Minuit, Simone de Beauvoir Faut-il brûler Sade aux éditions Gallimard, Pierre Klossowski Sade mon prochain, le philosophe, puis après il y a Philippe Solers aussi, et Pierre Klossowski, Sade, mon prochain, le philosophe scélérat. Voilà. Alors, cette idée du philosophe scélérat, c'est-à-dire trompeur, celui qui ne travaille pas pour la vérité, mais qui travaille à partir du mensonge, au fond, ça, c'est effectivement l'hypothèse de Klossowski sur les 120 journées de Sodome et sur Sade en général. Et c'est très fort parce que Pasolini, je pense, le reprend. Enfin, c'est une inspiration très très centrale pour cette relation, disons, la relation de pensée que crée le film, que crée Salo, les 120 journées de Sodome, quand on oublie le côté gore, le côté horrible, qui est en fait, je dirais quand même une forme de prétexte, une grande forme de prétexte, oui. Parce que c'est une adaptation à tous les sens du terme, une adaptation très précise en reprenant très exactement comme il l'avait fait pour l'Évangile selon saint Matthieu, où était repris très précisément une certaine traduction de l'Évangile de Matthieu. Ici, on a l'établissement du texte de Sade et des phrases qui viennent exactement mais alors, de ça. C'est peut-être là où ça peut commencer à poser problème. Mais il ajoute quand même le commentaire de Klossowski. Oui, voilà. Mais alors du coup, l'extrait que je lisais de Sade expliquait en quelques lignes la thèse de Sade, à savoir que puisque la nature tue, il n'est pas un crime pour l'homme que de tuer son prochain. Il ne fait en cela que se conformer à la morale de la nature. Il n'y a pas de morale humaine, c'est la morale de la nature. Et donc très bien, les jouissances qu'il va rencontrer, c'est ce qu'il dit bien, que le lecteur va rencontrer, seront toujours accompagnées de quelques crimes ou de quelques infamies, car l'on jouit de se conformer à la nature. Chez Pasolini, voilà, la retranscription de sa thèse, qu'est-ce qu'elle signifie? On a un exemple type de ce que Klossowski appelle la scélératesse en philosophie. Le philosophe scélérat. Le philosophe scélérat, c'est celui qui va trouver une explication pour justifier sa jouissance. Donc il se moque de Sade, en fait? Oui, bien sûr. Enfin, Klossowski, oui, Pasolini. Pasolini, oui, on peut le dire. C'est pour oui, dénoncer la philosophie de Sade ou c'est pour faire un parallèle entre Sade et le néocapitalisme, en fait, où se situe-t-il? Non, ça c'est un autre problème. Ça fonctionne sur différents niveaux. Et là, je dirais que c'est plutôt une adresse ironique dont je poursuis l'analyse depuis longtemps. Parce que ça m'a toujours étonné que les intellectuels français ne l'aient pas compris. C'est une adresse aux intellectuels français. C'est-à-dire que cette bibliographie est évidente, se retourne évidemment vers ses confrères qui s'appelaient Solers, qui s'appelaient Barthes. Et Barthes, manifestement, ne l'a pas compris du tout. Parce que la réponse de Barthes, c'est « ce film m'ennuie » ou « ce film me dérange ». Il a écrit deux petits textes très célèbres sur le fait que Pasolini aurait trahi Sade parce que lui, en tant que spécialiste de Sade, sait bien qu'il ne faut pas décrire et que quand on est au cinéma, on décrit. Donc tout ça devient trop trivial. On va écouter, alors que tout passe par l'écriture. On va écouter la critique de Barthes. Lui par Georges Clas, la voici. Il faut l'écouter. Les Sadiens ne reconnaîtront jamais Sade dans le film de Pasolini. La raison en est générale. Sade n'est en aucune façon figurable. De même qu'il n'y a aucun portrait de Sade, sauf fictif, de même aucune image n'est possible de l'univers sadien. Celui-ci, par une décision impérieuse de l'écrivain Sade, est tout entier remis au seul pouvoir de l'écriture. Du point de vue politique, Pasolini s'est trompé aussi. Le fascisme est un danger trop grave et trop insidieux pour qu'on le traite par simple analogie, les maîtres fascistes venant tout simplement prendre la place des libertins. Le fascisme est un objet contraignant. Il nous oblige à le penser exactement, analytiquement, politiquement. En somme, Pasolini a fait deux fois ce qu'il ne fallait pas faire. Du point de vue de la valeur, son film perd sur les deux tableaux, car tout ce qui irréalise le fascisme est mauvais, et tout ce qui réalise Sade est mauvais. Raté comme figuration, le film de Pasolini vaut comme reconnaissance obscure, en chacun de nous mal maîtrisée, mais à coup sûr gênante. Elle gêne tout le monde, car en raison de la naïveté propre à Pasolini, elle empêche quiconque de se dédouaner. C'est pourquoi je me demande si au terme d'une longue chaîne d'erreurs, le salaud de Pasolini n'est pas en fin de compte un objet proprement sadien, absolument irrécupérable. Personne, en effet, semble-t-il, ne peut le récupérer. Pasolini s'est trompé deux fois, affirme Barthes. Du point de vue de la valeur, son film perd sur les deux tableaux. Tout ce qui irréalise le fascisme est mauvais, tout ce qui réalise Sade est mauvais. Qu'en pensez-vous, Hervé Joubert-Laurentin? Je pense que Barthes ne s'est trompé qu'une fois, mais complètement. Avec ce texte. Voilà. Je crois que c'est. Enfin, moi, je suis tout à fait. Bah, en même temps, il s'est senti visé. Voilà, il s'est senti visé, mais il n'a pas répondu. C'est-à-dire, il n'a pas répondu il est mort en même sur temps. Le terrain. Pasolini non, était mort. Pasolini était mort, mais Barthes n'a pas répondu à cette adresse qui était Salaud, finalement. C'est-à-dire, avoir son nom dans le générique de Salaud, ce n'est pas rien, je pense. Et donc, il y a une réponse possible. Et là, il ne fait pas une réponse. C'est-à-dire qu'il ne va pas lire, il ne va pas chercher la chose. Et c'est la grande différence entre Barthes et Pasolini, au fond. Donc, moi, je suis... C'est-à-dire que Barthes serait intellectuellement... Sur le coup, pour le coup, plus malhonnête? Alors, là, c'est pas une question de malhonnêteté, même si, si on veut s'amuser, la question du philosophe scélérat, c'est qui est le plus scélérat des deux. Là, il est en train de traiter Pasolini de scélérat. Et la chose se retourne. On pourrait dire que c'est lui le philosophe scélérat, parce qu'on peut expliquer ce que c'est, hein, mais c'est toute une question de naïveté. Tout le monde se traite d'innocent et de naïf. On a, à chaque fois qu'on a voulu attaquer Pasolini, du côté, justement, de Umberto Eco a fait la même chose plus tôt. C'est toujours l'innocent, c'est toujours celui qui ne sait pas. Les professeurs lui disent qu'il ne sait pas. Mais en réalité, au contraire, il sait beaucoup plus qu'eux, puisque lui le pense en poésie. Donc tout ce qu'il a amené de théorique était quelque chose qui avait été très longuement, très profondément, très intimement et corporellement matérialisé, pensé par la poésie, puisque sa poésie n'est que... Elle est théorique aussi, mais elle n'est pas terroriste précisément. C'est-à-dire qu'elle ne cesse d'avancer sur la réflexion. Donc, au fond, on lui reproche de ne pas être philosophe, c'est ça ? D'être d'abord poète. De ne pas l'être comme il faut. C'est ça. Moi, je dirais plutôt. Hein. Parce que là, enfin, on lui fait un reproche. Non, je pense que c'est un reproche qui vient des années 70. On lui reproche, c'est la pensée du sex-pol. C'est-à-dire qu'on a pris le salaud pour quelque chose de l'ordre du sex-pol. C'est-à-dire le sexe et la politique. Le sexe est politique, la politique est sexuelle, et les choses s'expliquent l'une par l'autre. Hein. Et on a pensé que, je sais pas moi, c'est comme des gens qui sont masochistes avec des insignes nazis. Hein, qu'il y a une relation entre deux. Or, salaud, on a beau prendre salaud de toutes les manières qu'on veut, ça ne ressemble absolument pas à ça. Parce que salaud est une expérience, est une expérience poétique, précisément, comme a dit Sade, à la Lautréamont. Et c'est comme ça qu'il faut commencer le travail. Moi, je dis comme Dante, comme la Divine Comédie. D'ailleurs, la référence est explicite. Il y a plusieurs cercles que l'on traverse. Voilà, il y a des références à Dante, mais du point de vue de ma réception, sur laquelle vous m'interrogiez tout à l'heure, pourquoi j'aime Pasolini, j'ai essayé de le justifier, parce qu'après tout, il est normal de justifier, de dire j'aime ce film, parce que ce film n'est pas du tout aimable. Donc, j'aime ce film, et dans le sens où je le trouve extrêmement important, et comme disait Jean-Claude Biet, moral. C'est un film moral, au fond. Jean-Claude Biet disait « Tout citoyen devrait voir Salaud ». Parce que ça fait réfléchir sur la question du fascisme profond, celui dans lequel on est pris, dans lequel on met le doigt dans l'engrenage, et il faut arriver à le comprendre physiquement, personnellement et socialement, politiquement. Voilà. Donc c'est pour ça que Salaud est... Alors moi, je me... Largement sur la question de la violence, voilà. Et du pouvoir, oui. En fait. Et moi, je m'explique, ou cette question de l'anarchie. L'anarchie du pouvoir, c'est quand même une proposition politiquement et culturellement extrêmement importante qu'on a entendue tout à l'heure. C'est-à-dire, je m'empare de l'État, et ensuite, je fabrique de l'anarchie. Mais alors, ça n'a rien à voir avec les libertaires, ça n'a rien à voir avec l'anarchie comme pensée politique. C'est l'anarchisme du pouvoir. L'anarchisme du pouvoir, c'est-à-dire, bon, en gros, moi je le résumerais comme destruction de l'État. Moi, c'est ce que je ressens en ce moment en France, hein, destruction de l'État, organisée, progressive. Bon, voilà, la destruction de l'État, c'est prendre le pouvoir de l'État, puis fabriquer de l'anarchie, fabriquer de l'anarchisme à l'intérieur de l'État, à l'intérieur du pouvoir. Voilà. Bon, ça, par exemple, c'est un des éléments qui est donné par Pasolini. Donc, pour terminer sur Sade, sur Dante, moi, je trouve que ça fonctionne comme la Divine Comédie. La Divine Comédie, c'est extrêmement violent, c'est extrêmement gore, c'est l'enfer. C'est des gens qui se mangent les uns les autres, qui cuisent dans le feu. Enfin, c'est des tortures comme la légende dorée avec les martyrs chrétiens. Bon, là, c'est dans l'enfer. Et toute cette histoire tient. Enfin, on a une infinité d'histoires qui sont aussi profondes et complexes que des romans en 3 ou 6 vers. Oui. C'est ça la Divine Comédie. Pour moi, Salo, on peut le prendre comme ça. C'est-à-dire, pour moi, c'est une œuvre qui a une importance qui restera historiquement très très longtemps, et beaucoup plus que celle de Barthes, au sens, je veux dire, l'œuvre de Barthes, non pas que j'adore l'œuvre critique de Barthes, mais là, il y a une différence fondamentale sur la question poétique, sur la relation avec la création. La relation de Barthes avec la création et la relation de Pasolini avec la création, parce que Pasolini ne peut pas penser, ne peut pas théoriser, ne peut pas philosopher. À mon avis, il philosophe complètement, mais il ne peut pas le faire sans l'acte d'abord créatif. Et c'est par là qu'il pense. Et je sais pas, je crois que c'est Nietzsche qui disait que si on veut aller très très très loin, le plus loin, c'est bien le poète qui va pousser le plus loin la réflexion sur un point très particulier. Moi, je crois que c'est le cas pour Pasolini. Je crois que Salo, les 120 journées de Sodome est un poème, peut être lu comme un poème, même si c'est un film, qu'il dépasse d'ailleurs le cadre du cinéma. Pour plein de raisons, ce film dépasse le cadre du cinéma et doit être considéré comme un objet encore plus large culturellement qu'un film seulement. Et c'est comme cela que Pasolini travaille. Donc, qui sont les scélérats, qui sont les philosophes scélérats et qui sont les philosophes qui travaillent sur... Bon, en tout cas, on a compris de quel côté vous vous situez. Oui, en effet, c'est pour, et on va, pour et la on va condamnation laisser... de Barthes, oui. Et on va laisser la parole au personnage du film, parce qu'en fait, chaque soir dans le film, tout le monde est réuni autour d'une des 4 prostituées qui va faire un récit sur un thème particulier. Et c'est ce récit qui est censé exciter les maîtres et donc faire en sorte que les maîtres puissent ensuite, ceux qui dirigent, vraiment, puissent ensuite se servir des corps des adolescents qui sont devant eux pour assouvir ce désir ainsi excité par la parole et la musique que voici. Per barocchi che si siano, li trovo tutti rispettabili. Sia perché non ne siamo arbitri, sia perché anche il più singolare e il più bizzarro, a ben analizzarlo, risale sempre a un principe de délicatesse. Eh oui, vieux enculé, esprit de délicatesse. La la la la la la la la la la la la la. Un jour, la patronne du bordel m'envoya au domicile d'un grand libertin. La la la la la. Il me reçut dans une vaste pièce dont le parquet était recouvert d'un splendide tapis chinois. Après m'avoir fait déshabiller, il me fit mettre à 4 pattes comme un animal. Et puis, ensuite me secouant la tête à plusieurs reprises, je veux voir si vous avez des réflexes aussi rapides que mes chiens. Bref, allez. Et il lança par terre de gros marrons grillés en me disant comme un chien, allez, à part. Oh. Allons, viens. Et je me mis donc à courir à 4 pattes pour saisir un marron. Et tenter de le rapporter. Tu as 2 beaux yeux pour regarder, alors tu vas regarder. Pisse. Bien sûr, peace ne s'écrit pas en anglais peace, P-E-A-C-E, mais peace comme l'acte d'uriner. Vous êtes là bien dans l'ambiance du film, et encore, on ne vous fait pas entendre le pire. Il y a, on disait deux mots de la structure, on avait évoqué la scène précédente qu'on a entendue, hein, où il était question du structuralisme, mmh. et vous nous avez expliqué le lien avec Roland Barthes et les structuralistes, Hervé Joubert-Laurencin. Il y a une structure propre au film. La référence à Dante est explicite, puisque ce sont différents cercles que nous traversons avec les personnages, le cercle des passions, le cercle de la merde. Et là, c'est un extrait du cercle des passions. Et c'est vrai, quand on l'écoute, il y a ce contraste entre ce piano joli, élégant, léger, ce récit excitant et un peu scandaleux, et puis tout d'un coup, la voix de l'homme qui vient ordonner à un corps devant lui, à ses pieds, de pisser. Là, et tous les registres sont mêlés. Alors là, pour prendre un contre-pied, là, c'est l'influence de Barthes, finalement. C'est l'influence de l'analyse de Barthes qui est magnifique. Hein. Les analyses des livres de Barthes sur Sade sont extrêmement intéressants. Et là, on voit très bien que c'est on passe d'une parole à un acte. La relation entre la parole et l'action a été très bien analysée dans les livres de Barthes sur Sade. Et c'est exactement utilisé dans le film en termes de mise en scène. Hein. Donc, c'est repris. On l'entend même à la radio. On l'entend très bien tout à fait dans la bande-son, ce que vous venez de dire. Et effectivement, la structure est très forte. Je pense que j'ai retrouvé depuis que j'ai écrit ce livre aux éditions de la Transparence, là, qui n'existe plus, mais j'espère que je le remettrai un peu sur le marché d'un second marché, parce que malheureusement, l'éditeur a fait faillite après 2012, mais le livre devrait se retrouver un jour. J'ai retrouvé depuis une discussion entre Jacques Lacan et Michel Foucault au Collège de France en 1969, où Lacan dit à Foucault, les événements de mai, donc on est en 69, les événements de mai, c'est précisément la descente dans la rue des structures. C'est dans Dise et écrit que j'ai trouvé ça un jour, et j'ai trouvé ça incroyable. Si je l'avais trouvé, je l'aurais rajouté dans mon chapitre sur la question de la structure. Pourquoi la structure est-elle importante dans ce film ? Voilà, parce que dans ce film, le film est incroyablement structuré, et effectivement, Pasolini dit notre choix n'est que structure, c'est-à-dire qu'on entend une relation avec la pensée générale du structuralisme. Voilà pourquoi aussi les quatre philosophes. Je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais la caricature des quatre philosophes français. Comme une tribu, c'était la tribu structuraliste, puisque le thème du magazine littéraire, c'était où en est le structuralisme, la quinzaine littéraire, qu'est-ce que le structuralisme. Donc la structure elle-même, le film lui-même, est caricaturalement structuré, comme toujours Pasolini, mais encore plus celui-ci. Il est entre j'ai appelé ça le carré et la spirale, c'est-à-dire entre le 4 et le 3. Tout est toujours divisé par 4, ça c'est Sade, puisque les 120 journées, c'est 4 fois 3, 12, c'est 600 perversions dans 120 jours, donc 4 mois. Enfin, tout est terriblement divisé par 4. Là, il y a des résumés extraordinaires dans les notices de la Pléiade de Sade, qui sont magnifiques là-dessus, où on a vraiment tout le détail. Mais alors, vous cherchez une autre, l'équivalent de la Pléiade qui est une très belle édition de la Divine Comédie, et là, vous avez des explications sur le 3. Ouais. Puisque finalement, tout s'explique par le 3, tout est toujours trilogique, et Pasolini, très très souvent dans sa vie, a fait des films par 3, fait des œuvres par 3, et donc travaille beaucoup cette question qui pour lui n'est pas dialectique, hein, puisque Pasolini est un anti-dialecticien. Il a dit très précisément, je suis contre Hegel, hein, thèse, antithèse, mais pas de synthèse. Voilà, les thèses et l'antithèse, on reste dans l'opposition irréconciliable. Voilà, ça c'est la définition même de Pasolini. Et donc le 3 est dans ce sens-là, et le 4 est un carré, quelque chose qui se referme. Donc où est Pasolini, 3 ou 4? Ah bah les deux, le 4 multiplié 7. Par le 3, ah non, c'est vraiment les deux, bah oui, 4 x 3, 12, donc 120 journées. Non mais en tout cas, ce sont les deux mâchoires qui oppressent le spectateur. C'est-à-dire la structure est là pour oppresser. Le film lui-même est coupé en 3, est coupé en 4, mais dans le détail même, hein, 3 personnes dans le cadre, 4 personnes dans le cadre, des gens qui sont mis en carré, enfin ça va vraiment très très loin, exactement comme dans la Divine Comédie. C'est pour ça que je trouve que le film est profondément fabriqué, comme tous ceux de Pasolini, dans une très très très très très grande précision, et va jusqu'à un détail ultime mais parce que Pasolini a aussi commencé sa carrière de poète avec la modification de la terza rima, de la tierce rime, c'est-à-dire la forme de rime de Dante, de la Divine Comédie, qui est incroyablement énergique, qui va très vite, qui fait toujours passer une jambe sur le paragraphe suivant, donc qui ne cesse d'avancer. C'est la tierce rime, c'est une invention totalement géniale. Et Pasolini l'a reprise, ensuite l'a modifiée, donc il a passé sa vie à réfléchir à cette intrication des choses par 3, par 4, avec des rimes, etc. Et c'est comme ça qu'il a fait son cinéma aussi. Son cinéma est parfaitement un cinéma de poète aussi, dans ce sens-là, où un poète travaille l'inspiration la plus sauvage à l'intérieur des structures les plus dures. C'est comme ça que travaille Pasolini. Il y a un aspect masochiste chez Pasolini dans tous les sens du terme, mais y compris dans la façon dont il travaille. C'est-à-dire, c'est vraiment la rime, c'est le fouet, quoi. Il y a quelque chose qui oppresse pour que se libère profondément là une forme de sauvagerie qu'il faut trouver. On va écouter un dernier extrait de la voix de Pasolini, suivi de la musique qui accompagne la fin du film. La chanson de fin, ce sera pas encore la fin de l'émission presque, hein, mais on va entendre quelques notes, puisqu'il s'agit de Carmina Burana. C'est une fin, que vous allez commenter peut-être ensuite, on va entendre quelques notes de cette fin, parce que c'est le seul moment du film, un film très bavard quand même, un film où les personnages parlent en permanence, et là, cette fois-ci, il est quasiment muet, et la scène finale, qui est une des plus violentes, est vue presque de l'extérieur, comme par des jumelles, et sur fond de musique, comme si la parole ne pouvait même plus s'exprimer. Écoutez donc Pasolini qui parle du scandale, et puis la chanson de fin. Je cherche toujours des cas limites, parce que ma psychologie, c'est une psychologie dramatique. Je ne vis jamais dans une façon moyenne. Je trouve toujours aussi dans ma vie que la nature n'est pas naturelle. Et alors peut-être dans mon film, il n'y a pas le côté moyen des choses. Il y a toujours des choses extrêmes. Toujours il y a des cas limites qui sont les cas plus tragiques. Mais tous les personnages des tragédies sont des cas d'exception. Et alors mon film va être des tragédies. De pire sans doute avec cette fin, que je vous laisse libre de décrire ou non, Joubert Laurencin, c'est qu'on n'entend pas le cri des victimes, on n'entend rien. Non, pas du tout. Il était d'ailleurs prévu dans une première version du scénario que ça se passerait au ras du sol, qu'il y aurait une grande vitre et qu'on verrait sans entendre, donc comme en cinéma muet, les gens se faire déchiqueter, couper en morceaux dans une cour sauvage et que le sang giclerait sur les fenêtres, mais ceux qui regardent étaient de l'autre côté de la fenêtre. Mmh. Donc c'est clairement la position du spectateur de cinéma, mais beaucoup plus que le spectateur du cinéma, du spectateur impuissant devant l'image. Devant l'image avec un I majuscule que le cinéma peut plutôt rédimer en quelque sorte, hein. Mais c'est vraiment la société du spectacle qui est en cause en l'occurrence, beaucoup plus que le cinéma lui-même. C'est pas du tout une mise en abîme du cinéma, c'est une façon de parler de la position de l'homme mis en face d'images qu'il ne peut pas maîtriser, d'une impuissance donnée par les images. Et donc ce n'est pas ce qu'on voit dans le film terminé, celui qui a été réalisé. C'est au contraire un haut et un bas. Et on voit avec des jumelles à travers une grille de vitres, en se mettant sur un fauteuil très très beau d'ailleurs, très charmant. Et on voit dans une petite cour médiévale des gens se faire torturer, mais au loin. Et finalement, il se passe des choses dans la bande-son qui sont extrêmement l'inverse. C'est ce qu'on vient d'entendre, Carmina Burana. Mais au moment où la Carmina Burana parle de l'éveil du printemps et du bonheur de l'éveil du printemps, et tout est à l'avenant. C'est-à-dire qu'on entend une poésie d'Ezra Pound, on entend la radio. En fait, ce sont les miliciens qui participent à l'horreur, qui tournent la radio et puis qui se mettent à danser très innocemment. Et ces deux jeunes gens dansent innocemment. Mais comment peuvent-ils être innocents puisqu'ils dansent sur les cadavres? Donc c'est une fin terriblement suspendue et terriblement ambigu, mais ce qui est extraordinaire, moi j'ai passé un chapitre entier à essayer d'expliquer le contraste entre cette bande-son merveilleuse et ces images horribles, et ce que ça produisait comme effet de choc poétique au fond, c'est qu'il n'y a jamais aucune confusion. Confusion. Confusion. Ce n'est pas du confusionnisme. Ce n'est pas de l'ambiguïté. C'est-à-dire que c'est un travail extrêmement précis et qui fait réfléchir par le choc de différentes idées qui peuvent être opposés, mais qui font réfléchir. Et non pas une confusion pour une provocation gratuite, c'est-à-dire tout à l'égout de la provocation classique qu'on oui, entend aujourd'hui. Oui, parce qu'on pourrait faire à Pasolini le reproche du formalisme, mm-hmm. puisqu'il le dit dans l'extrait qu'on a entendu, « Dis-moi, ce qui m'ennuie, c'est le moyen, je cherche l'extrême. Mm-hmm. » Et ça, c'est aussi une position artistique, de dire je cherche à atteindre la limite ultime au-delà de laquelle on pense ne pas pouvoir mm-hmm. aller, j'emmène le spectateur au-delà. Mm-hmm. Et quand on regarde le film, et ce qu'on vient de dire de la fin, où le spectateur comprend qu'il est exclu en fait de l'image et qu'il ne pourra pas venir en aide. Il est exclu, mais il en est prisonnier. Il en est prisonnier. Moi, je crois que vraiment. Oui, en tout cas, il n'a pas envie d'être là. Si on analyse la fin, le spectateur se retrouve à l'intérieur de l'image et se retrouve prisonnier. Et c'est pour ça que ce film fait tellement mal. Parce que, il faut le dire aussi, que ce film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, que ce film est extrêmement douloureux. C'est un film qui fait mal à son spectateur et qui le fait à la fois volontairement et involontairement. Comme je le disais tout à l'heure, Pasolini croyait que son film serait un film comique. C'est-à-dire qu'il y aurait une dimension comique, du comique de l'horreur, du comique glacé, qui n'existe absolument pas non. du tout. Et c'est ça qu'avait remarqué la comédienne qui, elle, a vu le film et a été obligée d'être dans, comme moi au début aussi, d'être dans des salles où les gens quittent la salle, où les gens vous demandent des comptes quand vous êtes en train de discuter après ce film. Enfin, ça a beaucoup changé. Moi, j'ai connu avant et après les années, disons, 90-2000, où les gens plus jeunes sont... Enfin, considèrent parce qu'on ce le voit film... plus en salle maintenant, on peut le regarder chez soi en DVD. Si, quand on le voit en salle, je veux dire, on le voit quand même en salle. Et quand on le voit en salle et qu'il y a discussion, on se rend compte que c'est pas du tout la même chose que dans les années 80. Moi, j'ai connu des salles terribles après la mort de Pasolini. Et aujourd'hui, c'est très différent parce que les gens le prennent d'abord comme un objet culturel. Je crois que c'est ça. Et puis, il y a aussi un entraînement à la violence. Des images. On se quitte avec quelques notes du Lamento per la morte di Pasolini de Francesco De Gregori. Persi le forze mie, persi l'ingegno che la morte m'ha venuta a visitare. E leva le gambe tue da questo regno. Persi le forze mie, persi l'ingegno. Le 11 le volte che l'ho visto, gli vidi in faccia la mia gioventù. Oh Cristo, me l'hai fatto un bel disgusto. Le 11 le volte che l'ho visto. Le 11:15 io mi sento ferito, davanti agli occhi ho le mani spezzate, e la lingua mi diceva andate, andata. Le 11:15 io mi sento ferito, le 11:30 mi sento morire, la lingua mi cercava le parole. Tutto mi diceva che non giova, e all'11:30 mi sento morire. Mezzanotte mo da confessare. Merci beaucoup Hervé Joubert, Laurent Saint, d'être venu nous parler de Pasolini ce matin. Merci. Et donc on a parlé de votre livre, Salo, les 120 jours de Sodome, publié aux éditions de la Transparence, qui n'est plus disponible. On appelle à un nouvel éditeur. Vous verrez si cette émission est écoutée par les éditeurs ou non, c'est pour ça les propositions. On peut aussi renvoyer à Pasolini, Portrait du poète en cinéaste, aux éditions du Cahier du cinéma. Et puis, j'ai dit que vous étiez cinéaste, et le film documentaire que vous avez fait sur André Bazin qui sera diffusé ce dimanche à Fontainebleau. Exactement, voilà. Dans le cadre du festival d'histoire de l'art. Et bien voilà, on mettra les informations en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et c'est sur la voix de Giovanna Marini que nous nous quittons et que nous accueillons la chronique, enfin Géraldine Mostasavoie pour sa chronique du journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous avez choisi de rendre hommage à Michel Serres. Samedi, le 1er juin, on apprenait la disparition à 88 ans de Michel Serres. Depuis, les hommages pleuvent. 1m80, œil malicieux, un nom qui évoque la montagne, accent gascon, humaniste, académicien, espiègle, ouvert à tous, érudit, voyageur, penseur des sciences, de la nature, de la violence et des nouvelles technologies, lecteur de Leibniz et de Jules Verne, auteur insatiable et infatigable de plus de 70 ouvrages, tintinophile, enfant de la guerre qui avait foi en l'avenir, tout ou presque a été dit du philosophe. On l'a décrit, on a rappelé son parcours, son caractère et ses thèses, on l'a cité. Mais l'avantage de la radio, c'est qu'on peut l'entendre et l'écouter, lui, sans images et sans guillemets. Voici donc 3 minutes et plus de Michel Serres.

en Italie, comme je disais au début d'émission, cette émission que vous pouvez réécouter, où il est question de la mort de Pasolini, de Salo, les 120 jours de Sodome, du cinéma de Pasolini en compagnie d'Hervé Joubert, Laurent Saint. Vous vous rendez sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie, vous pouvez réécouter toute l'émission, vous pouvez aussi la télécharger, la podcaster, comme ça vous pourrez l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, y compris hors connexion. Rendez-vous également sur les réseaux Instagram, Facebook, Twitter, où nous attendons vos remarques et vos commentaires. On se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.